By now you'll have noticed that some French words are like their English equivalents. Par exemple, hôtel, taxi, orange, message. And so on. But there are also words that sound similar to English ones, but are not what you think they are. As you'll discover in this next... Conversation. Conversation. Entre Hélène et la serveuse. Between Hélène and the waitress. Yes. You remember that George was asking about one of the jams. Hélène can't remember the name, so she calls the waitress over. Mademoiselle, s'il vous plaît. Oui, madame. La confiture, là. Qu'est-ce que c'est? Prune. C'est de la confiture de prune. Oh, oui, bien sûr. Prune? C'est très bon. Merci, mademoiselle. Vous désirez un autre croissant, peut-être? Non, non. J'aime les croissants ici, mais je crois que non. Très bien, madame. Vous désirez autre chose? Encore du café? Ah, non, merci. Oui, madame. Et vous, monsieur? Vous désirez quelque chose? Encore du thé? Morty? Non, merci, mademoiselle. Bravo, très bien.